article 143 de la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu. Les trois passoires. Un homme vint un jour trouver Socrate et lui dit « Wow, sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?»« Un instant, » répondit Socrate. « Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires. »« Hein ? Les trois passoires ?» Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on va dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? Bah non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la volonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ? Oh non, au contraire ! Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain de leur véracité. Tu peux peut-être encore passer le test car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait soi-disant fait ? Bah non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? Article 144, axe du monde. On retrouve la notion d'axe du monde dans la plupart des civilisations. Platon l'imagine comme une colonne lumineuse faite de diamants. Pour les latins, l'axis mundi est le pilier cosmique qui soutient la voûte céleste et qui relie la terre au ciel. Pour les bouddhistes, une colonne relie également la terre et le ciel. Au cours de la fête hindoue de l'Indrayajva, cet axe du monde est symbolisé par un mât placé au centre du village. Pour les japonais, Izanagi et Izanami tournent autour de l'axe du monde pour s'unir. Pour les Grecs, les deux serpents du caducée, d'Hermès, symbole des médecins, sont les deux énergies antagonistes et complémentaires qui tournent autour d'un axe central. On retrouve cette idée dans le tantrisme où les deux énergies montent autour de la colonne vertébrale au moment de l'amour. Pour les peuples à culte chamanique, l'axe du monde est considéré comme l'ascenseur pour monter dans les autres niveaux de l'univers et communiquer avec les êtres qui vivent au-delà de la Terre. God knows you're on my mind. I can't try to tell him otherwise. God knows it's only time. Or break the chain in my eyes. Fear keeps you hiding at night. When the creatures play ball outside, chances are slim we are right. But I'd never think it any other way. So we'll find the answers in time. When the bodies pile up sky high, and I'll sail the ship towards the sky. But I'll end all alone on the other side. And if you could pull that rope just a little higher, we would dangle alone like a firefly. So Jimmy, I've heard the voice of God, and he whispered fear is logical. And he said it's magic, wonderful. And he swears to him it's wonderful. And the lake you speak of is magical. So I skip stones on it, practical. And I make sure that we're both wonderful. You're a brother and that's alright. You're a brother and that's alright. You're a brother and that's alright. We're brothers, it makes it right. Cause his blood is so red in spite of the way that our sharp teeth bite. Oh, the way that our sharp teeth bite in each other during the night. With the creatures that play outside. We're the creatures that play outside. Cause Jimmy, I've heard the voice of God, and he whispered fear is logical. And the words that we heard aren't repeatable. With a thought that could kill comprehensible. And we're brothers and that's alright. Yeah, we're brothers and that's alright. Yeah, we're brothers and that's alright. Yeah, we're brothers until we die. Article 146, jeu d'Eleusis. Le jeu d'Eleusis est un jeu dont le but est de trouver sa règle. On utilise deux jeux de 52 cartes qu'on distribue jusqu'à épuisement. Avant la partie, un des joueurs invente une règle personnelle et la note sur un papier pour qu'on soit sûr qu'il n'en changera pas en cours de route. Celui qui invente la première règle est considéré comme le premier dieu. On nomme cette première règle la loi du monde. Le jeu démarre. Un joueur pose une carte et il annonce « Le monde commence à exister ». Le joueur dieu dit alors « Cette carte est bonne » ou « Cette carte n'est pas bonne ». Chacun à son tour pose une carte de son choix. Les mauvaises cartes sont mises de côté. Les bonnes continuent de s'empiler sous les yeux des joueurs qui essaient de trouver la logique de cette sélection. Lorsqu'un joueur pense avoir trouvé la loi du monde, il se déclare prophète. Ce prétendant arrête de poser ses cartes et c'est lui qui, à la place de Dieu, dit aux autres « Celle-là est bonne » ou « Celle-là est mauvaise ». le joueur-dieu surveille le prophète. Si le prophète se trompe une fois, il est destitué et n'a plus le droit de jouer. Les autres continuent à chercher la règle. Quand un prophète a répondu 10 fois juste, il énonce ce qu'il estime être la loi du monde et on compare avec ce qui est écrit sur le papier. S'il a trouvé, il a gagné. Si personne ne trouve la règle et que tous les prétendants au rôle de prophète se trompent, le joueur-dieu a gagné. On lit alors à haute voix la loi du monde et on vérifie qu'elle était trouvable. Si la loi était trop difficile, c'est le joueur-dieu qui est disqualifié. Ce qui est intéressant, c'est d'inventer une règle, simple et pourtant difficile à trouver. Par exemple, on alterne une carte au-dessus du 7 et une carte au-dessous du 7. C'est très difficile à repérer car on va naturellement observer les figures et les alternances des cartes rouges et noires. La règle que des cartes rouges sauf les 10e, 20e et 30e est impossible à trouver. De même que toutes les cartes sauf le 7 de cœur. Cette autre, n'importe quelle carte est valable, risque d'être difficile car si les jeux précédents étaient sophistiqués, les joueurs anticiperont la complexité. Quelle peut donc être la stratégie des joueurs pour gagner ? En fait, chaque joueur a intérêt à se déclarer au plus vite prophète, même si c'est risqué. We'll be right back. 149, la théorie du tout. Le but final de la science est de fournir une théorie unique qui puisse décrire et expliquer les mécanismes de la grande horlogerie de l'univers. Cette explication a été baptisée la théorie du tout. Elle consiste à unifier la physique de l'infiniment petit et la physique de l'infiniment grand. Elle cherche à trouver un lien entre les quatre forces connues, la gravitation, force qui s'exerce notamment entre les planètes, l'électromagnétisme, force qui s'exerce entre les particules chargées, l'interaction faible, force qui régit les atomes, l'interaction forte qui régit les particules de l'intérieur des noyaux atomiques. Albert Einstein a été le premier à parler de cette théorie du tout en 1910. Il a cherché jusqu'à sa mort un principe d'unification des quatre forces, mais la physique classique ne parvenait pas à concilier l'infiniment petit et l'infiniment grand, les planètes et les atomes. En même temps, l'émergence de la physique quantique et la découverte de nouvelles particules ouvrirent des voies de recherche. Parmi les plus prometteuses, la théorie des cordes propose un univers à plus de 10 dimensions au lieu de nos 4 habituelles. Dans cette théorie, les physiciens évoquent des particules circulant non plus dans un univers sphérique, mais dans des feuilles d'univers superposées liées entre elles par les cordes cosmiques. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will be. And now there's gonna Article 150, apothéose. L'apothéose est l'acte qui consiste à métamorphoser un être humain en dieu, Théos. En Égypte, les pharaons considéraient que leurs prédécesseurs devenaient des dieux après leur mort. Ils pratiquaient donc la cérémonie d'apothéose, ce qui était pratique puisque cela leur permettait de se prétendre de leur vivant futur dieu. En Grèce, le passage d'humain à dieu était une manière de transformer les héros fondateurs des villes en divinités au pouvoir magique, ce qui augmentait le prestige des dites cités. Par exemple, Héraclès, simple mortel, devient dieu et donne son nom à la ville d'Héraclion. Alexandre le Grand reçut l'apothéose à sa mort. Cet honneur fut aussi accordé à des artistes comme Homère. Pour les Romains de l'Antiquité, l'apothéose suivait un rite particulier. Un cortège était formé de sénateurs, de magistrats, de pleureuses professionnelles, d'acteurs portant les masques des ancêtres et d'un bouffon imitant le comportement du défunt. Avant de mettre le corps sur le bûcher, on amputait le cadavre d'un de ses doigts pour qu'il reste quelque chose de lui sur terre. Puis, le corps était incinéré et un aigle lâché pour servir de psychopompe et transporter l'âme du défunt vers le royaume des dieux. Jules César fut le premier Romain à recevoir son apothéose officielle juste après son assassinat en 44 avant Jésus-Christ. Par la suite, le Sénat accorda l'apothéose à tous les autres empereurs qui suivirent. Dans le domaine de la peinture et de la sculpture, l'apothéose est un thème récurrent censé représenter la réception d'un homme parmi les dieux. Dans le domaine littéraire, terminé en apothéose est souvent utilisé pour signifier une fin en feu d'artifice terminal. The world is my oyster. Do it just only I can do it. I never ever doing what I'm doing. stars never stop. Shooting stars never stop, even when they reach the top. Here goes the supernova, what up for show? Shooting stars. Vous êtes toujours en train d'écouter Pop & Rock et ce soir, comme ça arrive de temps en temps, nous nous consacrons à la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Article 152, loi de Parkinson. La loi de Parkinson, rien à voir avec la maladie du même nom, veut que plus une entreprise grandit, plus elle engage des gens médiocres et surpayés. Pourquoi ? Tout simplement parce que les cadres en place veulent éviter la concurrence. La meilleure manière de ne pas avoir de rivaux dangereux consiste à engager des incompétents. La meilleure façon de supprimer en eux toute velléité de faire des vagues est de les surpayer. Ainsi, les castes dirigeantes se trouvent-elles assurées d'une tranquillité permanente. A contrario, selon la loi de Parkinson, tous ceux ayant des idées, des suggestions originales ou des envies d'améliorer les règles de la maison seront systématiquement éjectés. Paradoxe moderne, plus l'entreprise sera grande, plus elle sera ancienne, plus elle entrera dans un processus de rejet de ses éléments dynamiques, bon marché, pour les remplacer par des éléments archaïques onéreux. Et cela au nom de la tranquillité de la collectivité. For you, live alone. Article 153, charade de Victor Hugo. Mon premier est un bavard, mon deuxième est un oiseau, mon troisième est au café, et mon tout est une pâtisserie. Réfléchissez un peu sans regarder la solution. Mais pour les impatients, voici la réponse. Mon premier est bavard, c'est donc bavard. Mon deuxième est un oiseau, c'est oiseau. Mon troisième est au café, c'est donc au café. Solution, bavard, oiseau, au café, bavaroise, au café. Et vous voyez, c'était facile. Jungle, but don't live in a bungle. With my clothes, my elogues, I brush my fangs off. Hogs, there ain't a beast in the east. They wants to make me his feast, 'cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on. I'm hunting from to dot to dawn. Eating cheers in everybody's lawn. Spinning fear when I sing a lazy yarn. I'm roaming on and on and on. I'm hunting from to dot to dawn. Eating cheers in everybody's lawn. Just in case you miss for the grace of balls and place, yeah. It's the mighty medulla, you're the great obligada. That rains on my face can't be contained. Don't try to tame on top of the chain, yeah. I'm roaming on and on and on. I'm hunting far to dot to dawn. Meeting cheers in everybody's lap. Spinning fear when I sing a lazy yarn. I'm roaming on and on and on. I'm hunting far to dot to dawn. Meeting cheers in everybody's lap. Spinning fear when I sing a lazy yarn. Article 155, compte et compte. Les mots compte, C-O-M-P-T-E, et compte, C-O-N-T-E, ont en français la même prononciation. Or, on constate que cette correspondance existe pratiquement dans toutes les langues. En anglais, compter, C-O-M-P-T-E-R, to count. Compter, C-O-N-T-E-R, to recount. En allemand, attention pour l'accent, compter, C-O-M-P-T-E-R, zahlen. Conter, C-O-N-T-E-R, Erzalen. En hébreu, attention encore plus l'accent là, Conter, C-O-N-T-E-R, les sapeurs. Conter, C-O-M-P-T-E-R, les sapeurs. En chinois, je devrais m'en sortir pour l'accent. Conter, C-O-M-P-T-E-R, chou. Conter, C-O-N-T-E-R, chou. Chiffres et lettres sont unis depuis les balbutiements du langage. Vous êtes toujours bien calé au 104.6 en train d'écouter ce soir RVR et son Pop and Rock qui vous présente la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu. Article 159, ouais, ça sent le repas, mayonnaise. Il est très difficile de mélanger des matières différentes. Pourtant, la mayonnaise est la preuve que l'addition de deux substances donne naissance à une troisième qui les sublime. 1 plus 1 égale 3. Comment composer une mayonnaise ? tournée en crème dans un saladier le jaune d'un œuf et de la moutarde à l'aide d'une cuillère en bois. Ajoutez de l'huile progressivement et par petites quantités jusqu'à ce que l'émulsion soit parfaitement compacte. La mayonnaise montée, l'assaisonnez de sel, de poivre et de 2 cl de vinaigre. Important, tenir compte de la température. Le grand secret de la mayonnaise réussie, l'œuf et l'huile doivent être exactement à la même température, l'idéal 15 degrés Celsius. Ce qui liera en fait les deux ingrédients, ce sont les minuscules bulles d'air qu'on y aura introduites juste en les battant. 1 plus 1 égale 3. Si la mayonnaise est ratée, on peut la rattraper en rajoutant une cuillerée de moutarde qu'on introduira peu à peu en tournant dans le mélange d'huile et d'œuf mal amalgamé. Attention, tout est dans la progression. Outre la sauce, la technique de la mayonnaise est à la base du fameux secret de la peinture à l'huile flamande. Ce sont les frères Van Eyck qui, au XVe siècle, eurent l'idée d'utiliser ce type d'émulsion pour obtenir des couleurs d'une opacité parfaite. Mais en peinture, on n'utilise plus un mélange eau-huile jaune d'œuf, mais un mélange eau-huile blanc d'œuf. 1 plus 1 égale 3. Votre pop and rock se termine, j'espère que vous avez bien voyagé avec Bernard Werber et sa nouvelle encyclopédie. On va se quitter avec rien puisque c'est fini. Juste vous dire que ce soir nous ont accompagné les Smashing, les Steely Jam, Nair, Manchester Orchestra, Last Train, Jamiroquai, les Frankie Goes to Hollywood, les Foo Fighters, Deluxe, David Gahan et ses Soul Savers, et à l'instant c'était Clinique Rodeo. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et surtout, bon vent à tous.